Sainte Bible selon Saint Jérôme, livre de l'Exode, chapitre 3. Cependant, Moïse paissait les brebis de Jéricho, son beau-père, prêtre de Madian. Or, lorsqu'il eut conduit le troupeau dans l'intérieur du désert, il vint à la montagne de Dieu, Horeb. Et le Seigneur lui apparut dans une flamme de feu, du milieu du buisson. Et il voyait que le buisson brûlait et ne se consumait point. Moïse dit donc, « J'irai et je verrai cette grande vision. Pourquoi le buisson ne se consume point ?» Mais le Seigneur, voyant qu'il s'avançait pour voir, l'appela du milieu du buisson, et dit, « Moïse, Moïse !» Lequel répondit, « Me voici. » Et le Seigneur, « N'approche point d'ici. Ôte la chaussure de tes pieds, car le lieu dans lequel tu es est une terre sainte. » Il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse cacha sa face, car il n'osait pas regarder vers Dieu. Le Seigneur lui dit, « J'ai vu l'affliction de mon peuple en Égypte, et j'ai entendu sa clameur à cause de la dureté de ceux qui président aux travaux. Et sachant sa douleur, je suis descendu pour le délivrer des mains des Égyptiens, et pour le conduire de cette terre dans une autre terre, bonne et spacieuse, dans une terre où coule du lait et du miel, au pays du Cananéen, de l'Éthéen, de l'Amoréen, du Phérézéen, de l'Évéen et du Jébuséen. La clameur des enfants d'Israël est venue jusqu'à moi, et j'ai vu leur affliction dont ils sont accablés par les Égyptiens. Mais viens, je t'enverrai vers Pharaon, afin que tu retires mon peuple, les enfants d'Israël, de l'Égypte. » Et Moïse répondit à Dieu, « Qui suis-je, moi, pour que j'aille vers Pharaon, et que je retire les enfants d'Israël de l'Égypte ?» Le Seigneur lui répliqua, « Je serai avec toi, et tu auras ceci pour signe que je t'aurai envoyé. Lorsque tu auras retiré mon peuple de l'Égypte, tu immoleras à Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « Voici que j'irai vers les enfants d'Israël. Et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. » S'ils me demandent quel est son nom, que leur dirai-je? Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Il ajouta, « Tu diras ainsi aux enfants d'Israël, « Celui qui est m'a envoyé vers vous. » Et Dieu dit encore à Moïse, « Tu diras ceci aux enfants d'Israël, « Le Seigneur, Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom pour l'éternité, et c'est celui qui doit me rappeler à la mémoire de génération en génération. Va et assemble les anciens d'Israël, et tu leur diras, « Le Seigneur, Dieu de vos pères m'a apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Disant, visitant, je vous ai visité, et j'ai vu tout ce qui vous est arrivé en Égypte. Et j'ai dit que je vous retirerai de l'affliction de l'Égypte pour vous conduire dans la terre du Cananéen, de l'Éthéen, de l'Amoréen, du Phérézéen, de l'Évéen et du Jébuséen, terre où coule du lait et du miel. Et ils entendront ta voix, et tu entreras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte. Et tu lui diras, « Le Seigneur, Dieu des Hébreux, nous a appelés. Nous ferons le chemin de 3 journées dans le désert, afin que nous immolions au Seigneur notre Dieu. Mais moi je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera pas aller, si ce n'est par une main puissante. Aussi j'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte, de toutes sortes de prodiges que je vais faire au milieu d'eux. Après cela, il vous laissera aller. Et je ferai que ce peuple trouvera grâce aux yeux des Égyptiens. Et quand vous sortirez, vous ne vous en irez pas dépourvus. Mais chaque femme demandera à sa voisine et à son hôtesse des vases d'argent et d'or, et des vêtements, que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez l'Égypte. » Enregistrement de la Sainte Bible selon la Vulgate, dans la traduction de l'abbé Glaire, pour le site jesusmarie.com, afin d'en assurer une diffusion gratuite. Fichier placé sous licence Creative Commons le 30 novembre 2010.